soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu en diable la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la suite pour une pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 19 janvier 2026. Un nouveau lundi et comme un lundi, nous entamons une nouvelle semaine sur le 895 de Dio. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle. Une actualité assez étrange pour ce jour avec une thématique un peu particulière. Nous allons parler largement du paysage de l'audiovisuel et des radios associatives, en l'occurrence avec une invitée en studio. Et pour cette semaine d'ailleurs à Saint-Etienne, c'est Lisa qui est avec nous. Lisa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Etienne, bienvenue ici à Radio Dio. Lisa Gianarelli, de ton vrai nom, tu es invitée cette semaine ici à Saint-Etienne et sur le 895 de Dio en quelque sorte, parce que tu nous as sollicité alors que tu viens d'entamer un voyage, sorte de voyage sonore, alors qui allie plaisir de la bicyclette et puis la découverte des radios associatives que tu as intégrées il y a quelques temps, pas très longtemps, il y a quoi, 2 ans de cela ? Oui, c'est ça, en 2023, j'ai commencé à travailler dans les radios associatives et là, je me lance dans le journalisme indépendant. Et donc, pour ce lancement, je fais un tour de France des radios associatives à vélo et en train. Donc, tu as entamé ce voyage, c'était l'été dernier ? C'est ça, fin août. Mi-août, voilà. Donc, tu es en plein dedans, là. C'est ça. Et tu fais étape ici, à Saint-Etienne. Après une semaine un peu plus au sud, semaine dernière, on va parler de ce voyage que tu viens donc d'entamer. Enfin, que tu as entamé déjà depuis quelques mois. C'est l'occasion, de témoigner un petit peu de cette expérience jusque-là. Et puis de nous parler de ton intention, hein, bien sûr, au travers de finalement cette enquête aussi que tu mènes au sein des radios associatives françaises. Et bien, bienvenue à toi, c'est ta première à Saint-Etienne, donc baptême de feu à Saint-Etienne et sur le 895 de Dio. Ton association, c'est Parce qu'Autan. Et ton projet, c'est Parce qu'Autan podcasté jusqu'à la fin du monde. Voilà. C'est ça. Donc, étape à Saint-Etienne, tu es en immersion toute cette semaine ici sur Dio pour aller à la découverte de cette radio associative stéphanoise, de son activité, de ses activités, journée, fin de journée, soirée, les nombreux bénévoles également qui, bien sûr, font vivre cette radio associative. Bienvenue à toi. On te retrouve tout à l'heure durant ce programme qui va être ponctué comme ça de à la fois pause et propositions musicales. Et aussi d'actualités diverses dont nous allons pouvoir parler durant ce programme qui va s'ouvrir comme à notre habitude en musique. Nous faisons partie d'une fédération nationale, Lisa, qui se nomme la Fédération des radios associatives musiques actuelles de France ou Radio Rock de France, la FERAROC, si tu ne connais pas. C'est une fédération dont nous sommes cofondateurs depuis 1992. Une fédération qui regroupe des radios associatives, on va dire de la même veine, françaises et francophones. On retrouve des copines finalement aussi belges, pour exemple, ou encore du côté du Québec, par exemple. Une trentaine de radios, en gros, constituent cette fédération qui propose un travail commun, qui mutualise son travail finalement et ses activités, notamment par la couverture d'événements. Je sais que tu pars en Bretagne très prochainement, et bien ce sera l'occasion par exemple, ou c'était l'occasion pour la FERAROC d'être présente sur les Transmusicales de Rennes par exemple. On a forcément des radios aussi locales là-haut que tu vas peut-être bien découvrir. C'est le cas pour Longueur d'onde également, que tu vas aussi suivre très prochainement. Bref, des activités diverses par des plateaux réalisés au cœur de ces événements et des retransmissions aussi sur nos radios respectives. Et puis, un travail auprès des professionnels finalement de la profession, je dirais, de la musique au sens large. Les tourneurs, les salles, les labels et les artistes, bien entendu, au cœur aussi du projet. Et des partenariats sont en place autour d'artistes, albums, en découverte et en partenariat chaque semaine. Double artiste album, en présentation quotidienne sur nos antennes, en diffusion et puis parfois en jeu concours, donc avec des albums à gagner, ce qui n'est pas le cas cette semaine pour les deux nouvelles propositions qui sont faites en cette nouvelle semaine. Il y a le projet Goodbye Karel et l'album Knucklebreaker Max qui est sorti il y a tout juste quelques jours, c'était le 16 janvier via un label qu'on suit attentivement, c'est Yotanka Records. Et puis cette autre proposition, donc deuxième artiste album découverte cette semaine, il s'agit de Pretty Inside et l'album Ever Gonna Heal qui est sorti via un triple support label. Il y a les disques du paradis, Flipping Freaks et Howling Banana que l'on suit également attentivement sur notre antenne. C'est l'occasion de faire une petite plongée dans cet album qui lui est sorti en décembre dernier, fin année 2025, le 12 décembre pour être précis, le 12-12. Pretty Inside, que je vous propose de découvrir donc avec la troisième plage issue de cet album, que j'ai trouvé très bien nommée pour ouvrir ce programme, puisqu'elle s'intitule Clairvoyance. Vous allez entendre des sonorités et un son rock qui nous, finalement, replonge quelque peu dans les années 90. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. We'll avouez qu'il y a quelques réminiscences 90 quand même. Au sein de ce Ever Gonna Heal, album de Pretty Inside, oui, parce qu'il est question de guérison. En tout cas, le visuel est très beau de cette pochette d'album de Pretty Inside, qui relate, enfin pour la couverture artistique, un rag tree, une tradition sacrée de rituel de soins finalement. Alors peut-on guérir avec un disque? Je ne sais pas, mais c'est fort probable et je suis preneur en l'occurrence. En tout cas, très preneur aussi de ce Pretty Inside de ce groupe bordelais qui est emmené a priori un petit peu par son, alors je ne sais pas s'il faut dire leader, hein, ce serait peut-être malvenu, mais en tout cas Alexis de 16 est un peu le pilier de ce projet. Également Augustin Benamou à la guitare, Lucas Bégardon à la batterie, John Harding à la basse, Stéphane Gillet au backing vocals et autres synthés, et même un violon avec Rémi Palis sur un des titres. C'était ici le titre Clairvoyance que nous avons écouté pour cet album en nombreux titres, dont certains cachés d'ailleurs en bonus. Également pour ce troisième album du groupe qui nous vient de Bordeaux, comme je vous le disais, donc qui est comme ça s'embarrasse pas vraiment des chapelles musicales, quelque chose d'assez rock. Alors au sens large, c'est assez générique de dire cela, mais en tout cas Alexis de 16 a plongé un petit peu le nez et les oreilles dans la folk et le rock des années 60 et années 90 également. Voilà, je vous le disais, l'album est sorti le 12 décembre dernier via les labels Les Disques du Paradis, Flipping Freaks et Howling Banana. Le groupe est en tournée, ils défendent ce disque sur scène. Alors pour vous annoncer par exemple la release party, voilà, l'album a beau être sorti le 12 décembre, ce sera le 30 janvier qu'ils fêteront la sortie de cet album à Toulouse par exemple, et puis ils auront encore l'occasion de le refêter finalement cette sortie. Ce sera à Paris le 11 février, ce sera même à Bordeaux à la Maison le 21 février prochain, et puis d'ici là d'autres dates, il y a Bordeaux, Saintes, Limoges, Nantes, Rennes et d'autres dates encore jusqu'au mois de mai prochain. Saint-Étienne ne figure pas sur la liste et donc ils ne seront pas de passage à Saint-Étienne. En tout revanche, ils seront de passage sur Antenne, ça c'est certain, puisque ce sont les partenariats et les découvertes Ferrarock cette semaine. Pretty Inside et Goodbye Carrel, je vous le rappelle, et vous aurez l'occasion de les suivre sur notre antenne bien entendu, mais également dans le programme Dig Dig Diggers, notre émission mutualisée et collective que nous proposons chaque fin de semaine sur Dio. C'est le jeudi 19h, vendredi 12h et lundi 8h. Vous aurez l'occasion de retrouver une interview de Pretty Inside par Radio Méga, une interview également de Goodbye Carrel par Xavier, notre cher coordinateur directeur de la Ferrarock, et oui, qui lui aussi met la main à la pâte. Et puis un retour en carte blanche sur l'album Éthiopique, vous savez la série, c'était le 31, numéro 31 semaine dernière, et bien là c'est l'Éthiopique 32 qui sera proposé cette semaine avec RCV qui a réalisé ce petit module spécial. Voilà, Dig Dig Diggers cette fin de semaine sur le 895 de Dio. Et plus d'infos, bien sûr, sur le site dédié ferrarock.org. J'en profite pour faire une précision sur les diffusions et les rendez-vous infos sur le 895 en ce début d'année 2026. Je vous rappelle ce Dig Dig Diggers donc de fin de semaine, jeudi, vendredi, lundi matin. On se retrouve jeudi à midi pour un nouveau numéro des mots des sons sensibles. Ce sera jeudi à midi donc, rediffusé vendredi à 19h et à 8h le matin même. Et pour le début de semaine, des mots, des sons sensibles, c'est en direct de 12 à 13 le lundi, et puis rediffusé le lendemain à 8h et 19h. Et le lundi soir à 19h, donc ce soir tout à l'heure, attention si vous chopez la rediff, essayez de suivre à peu près, je vous proposerai une émission, puisque nous allons parler des radios associatives aujourd'hui, avec notre invitée Lisa Gennarelli. Eh bien, Lisa, pour ton information, je parlais de Fédération Nationale avec la Ferrarock, nous faisons partie également d'un réseau et d'une fédération régionale qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes FM, Aura FM, qui regroupe plusieurs radios associatives dans toute toute la région. Et nous mutualisons également et réalisons, co-réalisons des émissions mensuelles intitulées Aura des pâquerettes que nous proposons en diffusion sur nos antennes respectives. Alors je vais précisément proposer ce lundi 19 janvier au soir à 19h et donc ce sera rediffusé demain à 12h et mercredi à 8h, une émission Aura FM autour de la Grotte Chauvet. La Grotte Chauvet expliquée par les sciences, en effet réunis autour d'un plateau exceptionnel, les scientifiques qui explorent la Grotte Chauvet, donc en Ardèche, racontent comment, grâce à leur discipline, ils décryptent peu à peu l'histoire de ce site hors du commun. Une émission conçue, préparée et réalisée par justement plusieurs radios locales, Info RC, RDB, RCF et Fréquence 7, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition de la Grotte Chauvet 2, Grotte Chauvet, l'aventure scientifique. Voilà, avec plusieurs invités pour cette émission spéciale que je vous propose donc de retrouver sur le 895 de Dio ce soir, ce lundi à 19h. Rediffusion demain à midi et mercredi 8h. Avec Lisa Orantet, nous avons beaucoup parlé de radio, alors urbaine certes, mais aussi radio rurale. Et simplement pour faire le lien, parce que quelques infos vont être finalement un peu peut-être recoupées sous finalement ce champ-là de ville et campagne. Et notamment avec cette première info qui concerne la 10e édition des Nuits de la Lecture qui a lieu cette semaine à partir de ce 21 janvier jusqu'au 24 janvier. Alors ça va se dérouler principalement à Saint-Étienne dans les réseaux médiathèques et au musée de la Mine. Par exemple, vous avez toutes les infos en ligne sur le site des médiathèques de Saint-Étienne, et c'est un programme à thème ville et campagne. Donc plusieurs rendez-vous dans ce cadre-là, expo, lecture et autres. Et simplement peut-être, je peux vous rappeler ce rendez-vous-là, qui nous concerne indirectement de par l'association du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui réalise une émission mensuelle sur le 895 de Dio. Et peut-être avez-vous apprécié la table ronde sur les jardins familiaux, spécificité stéphanoise s'il en est, organisée par le GREMOS en septembre dernier, c'était à la Cale. Eh bien, vous souhaitez peut-être en savoir davantage et un peu plus sur ces jardins et reprendre la discussion, eh bien ce sera possible avec Émilie Sauveur qui interviendra ce samedi 24 janvier à la Cinémathèque de Tarentaise sur le thème « Les jardins ouvriers et familiaux de Saint-Étienne ». Voilà, ne manquez pas ce rendez-vous. Pourquoi pas l'occasion de vous rappeler quelques rendez-vous littéraires et rencontres, avec notamment ce rendez-vous prévu ce mercredi 21 janvier à partir de 18h avec Léa Hobson, qui sera, si je prononce correctement, ou Léa Hobson, qui est invitée à Saint-Étienne, architecte, scénographe, activiste, qui développe une pratique engagée fondée sur la co-création et le réemploi à la croisée de l'architecture, de la performance et du paysage. Elle a mené un travail d'enquête finalement sur la face cachée du béton. Voilà, qui est partout, dans les sols, dans les murs, dans les imaginaires, pourquoi pas aussi. Et cela a donné cet ouvrage « Désarmer le béton » qui est paru aux éditions La Découverte. Et c'est une rencontre qui est prévue avec l'autrice ce mercredi 21 janvier à partir de 18h à la librairie de Paris qui accueille donc l'autrice pour ce premier livre « Désarmer le béton, réhabiter la terre » paru aux éditions La Découverte, comme je le disais. Elle est architecte, scénographe, militante et notamment au sein des soulèvements de la terre. Donc elle aura une vision aussi du fonctionnement de l'industrie du béton. Et on sait que les mobilisations locales, notamment du côté de Boin par exemple, pourraient tout à fait être invitées au sein de cette rencontre. J'évoque, ou en tout cas fait référence à cette centrale à bitume et la mobilisation qui se tient actuellement dans ce secteur du forêt dont on a déjà parlé sur le 895 de Dio et dont on aura sans doute l'occasion de réévoquer bien sûr au sein de ce programme. Autre rencontre littéraire, je profite aussi pour rappeler les rendez-vous de la librairie indépendante L'Une et l'Autre, située 19 rue Pierre Bérard à Saint-Étienne, avec ce jeudi 22 janvier à 19h à la librairie, rencontre avec Timothée Zourabichvili et son éditrice Sabine Vespizer, avec un premier roman. Donc c'est son entrée en littérature et il frappe fort a priori, puisque je n'ai pas lu ce roman intitulé Plomb, un conte cruel et huis clos glaçant. Une rencontre prévue donc ce jeudi 22 janvier à 19h à la librairie L'Une et l'Autre, rue Pierre Bérard. Et puis il y aura d'autres rencontres prochaines. Vous pouvez d'ores et déjà noter par exemple en cette fin de mois de janvier, le mardi 27 janvier à 18h au Méliès Jean Jaurès, rencontre avec Shoura Makaremi, hasard des circonstances puisque... Cette anthropologue française d'origine iranienne était initialement programmée au mois de novembre dernier. Et cette rencontre a été reportée là ce 27 janvier prochain et bien sûr va faire écho à l'actuelle répression sanglante de la révolte du peuple iranien. Autre rencontre, ce sera le 3 février au Méliès Jean Jaurès à nouveau avec Martin Drago, membre de la quadrature du Net, invité par le collectif Halte au contrôle numérique. Il sera question de vidéosurveillance et de caméras sous surveillance. C'est un livre paru aux éditions Terre de Feu. Et puis, Sociologie de Saint-Étienne, ce sera là le 5 février. On aura l'occasion d'en reparler à 18h30 à l'Amicaleïque du Crédroc. Oui, Sociologie de Saint-Étienne, plusieurs auteurs en 2020 avaient fait paraître ce petit livre de sociologie consacré à cette ville de Saint-Étienne. Quelques années plus tard, là en 2026, 6 ans après donc, il est pertinent de revenir aussi sur ce travail et cette sociologie stéphanoise avec la nouvelle échéance municipale prochaine. Voilà en tout cas pour les rendez-vous de la librairie L'Une et l'Autre de Saint-Étienne. Je reviens à une rencontre, également une table ronde qui aura lieu cette fin de semaine, ce vendredi 23 janvier. On parlait d'architecture, là ce sera précisément à l'école d'architecture de Saint-Étienne, hein, rue Buisson, quartier Jacquard, à 18h, vendredi 23 janvier. C'est une soirée d'éducation populaire contre l'extractivisme pour être même plus précis, avec un projet de galerie d'extraction à Échassières. On est dans l'Allier et il y a des collectifs de lutte engagés contre ce projet de mine de lithium, justement à Échassières dans l'Allier. Donc c'est l'occasion d'une rencontre sur cette question et en soutien également à cette lutte. Donc voilà, avec plusieurs intervenants prévus. Et, ce sera donc ce vendredi 23 janvier 18h à 20h à l'école d'archi de Saint-Thé. Plus d'infos en vous rendant sur le site d'actualité de Mémoire d'élu de Saint-Étienne et d'ailleurs, le numéro 0.info. Quelques petites infos nature, environnement et agriculture pour terminer avant une première pause musicale et de retrouver notre sujet du jour. Nous avons parlé la semaine dernière d'agriculture paysanne en écho aux luttes paysannes actuelles. Et notamment, vous savez que ce jour même, ce lundi 19 janvier, la Confédération paysanne de la Loire présente ses vœux à l'ensemble de ses adhérents, adhérentes et puis à tous les... Bon soutien également. Une année 2026 qui, la Confédération paysanne de la Loire l'espère, marquera un changement dans les politiques agricoles. L'agriculture paysanne, locale, de qualité dans notre territoire. Alors forcément, cela résonne avec l'actualité et les luttes actuelles sur lesquelles nous reviendrons sans nul doute. Je vous rappelle que semaine dernière, dans ce cadre-là, je vous ai présenté un projet autour de l'agriculture paysanne. Sans langue de paille. Il s'agit d'une émission de radio qui va être présente d'ailleurs là et écoutable sur toutes les plateformes qui est engagée pour cette année, réalisée fin l'année dernière. En 3 volets, vous allez retrouver des épisodes consacrés à cette question, sans langue de paille, qui est d'ailleurs là réécoutable sur notre site radio2.org. Donc je vous invite également à retourner sur notre site pour écouter cette émission de semaine dernière. Une émission réalisée avec le Treuil, le tiers-lieu rural, basé dans la plaine du Forêt, qui propose différents rendez-vous, en tout cas qui nous l'a rappelé via une newsletter. Et donc je profite aussi de cela pour vous faire part de ces soirées, notamment cinéma, là, qui vont avoir lieu cette semaine. Ce mardi 20 janvier à Bourg-Argental par exemple, organisé par l'association Solidarité Paysan et le cinéma Le Foyer. C'est leur Chant du Cœur, un documentaire qui sera proposé ce 20 janvier à partir de 20h. Une projection suivie de courts-métrages et d'expositions photo Chemin de Terre proposée par Solidarité Paysan. Ce vendredi 23 janvier, ça se passera justement et précisément au Treuil à Chambœuf à 19h, une soirée ciné-débat Holy Shit, organisée par la Tinette Stéphanoise et le réseau des AMAP de la Loire, avec le soutien des Amis du Treuil. Les AMAP, le réseau AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, vous le savez. Et cette soirée, Holy Shit, avec un documentaire, c'est le titre du documentaire, Que deviennent les aliments que nous avons ingérés quand ils quittent nos corps, finalement, nos excréments, nos excrétas. Et donc voilà, c'est l'occasion d'une investigation, d'une enquête divertissante dans 16 villes sur 4 continents sur cette question et aller à la trace comme ça de nos excréments. Et oui, parce que c'est aussi une réalité. Et vous allez voir, ou vous pourrez voir et découvrir qu'il se passe de belles choses et de belles initiatives. C'est une soirée ciné-débat, donc ce 23 janvier. Et c'est à partir de 19h avec la Tinette Stéphanoise, invitée, le réseau des AMAP et le Treuil, bien entendu. Et puis ce 24 janvier également, c'est une autre soirée cinéma organisée par l'association Graines en partenariat avec Zéro Déchet Saint-Etienne. Ça se passe à Saint-Galmier à 17h30, samedi 24. Welcome to Sodome. Il s'agit d'une projection, là, d'un documentaire qui traite des problèmes de nos déchets électroniques. Là aussi, vaste question et vaste problème, en présence de Jérôme Brun de chez Envie Loire, donc expérience aussi locale et Stéphane ou ligérienne, et échange avec le public prévu. Voilà pour ces rendez-vous proposés par le Treuil. Cela nous amène juste très rapidement à quelques infos davantage naturalistes là, avec la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, qui là aussi nous communique régulièrement leurs propositions, initiatives et rendez-vous. Et par exemple, propose en ce début d'année 2026 l'action possible pour le bénévolat, les bénévoles. Et un rendez-vous est proposé à la commission naturaliste ce mardi 20 janvier à 18h30 à la Maison de la Nature de Saint-Étienne, 11 rue René Cassin. Alors, cette commission va présenter diverses actions naturalistes autour des rapaces nocturnes, des loutres, chauves-souris et autres espèces rupestres pour lesquelles la LPO cherche des forces vives. Il sera également même possible de suivre cela, cette commission et cette présentation en visio. Rendez-vous sur le site de la LPO, c'est auvergne-rhône-alpes.lpo.fr. Vous allez dans la rubrique LPO local Loire Agenda et vous aurez toutes les infos. La LPO qui rappelle également une exposition dont le vernis aura lieu ce jeudi 22 janvier à 18h, donc quartier Cotonne, rue René Cassin, à la Maison de la Nature, pour une expo autour de la forêt primaire qui va être présentée là durant quelques semaines. Regard croisé sur la forêt primaire. Et puis dans l'agenda de la LPO, il y a également diverses sorties nature, mais surtout un rappel du comptage national des oiseaux des jardins partout dans la Loire qui va avoir lieu ce week-end des 24 et 25 janvier. Même si la LPO tire la sonnette d'alarme, on le sait, les espèces sont en régression pour cause les pesticides en l'occurrence, c'est avéré, mais voilà, il est possible de compter dans tous les jardins individuels, publics et autres, les oiseaux. Week-end national de comptage, c'est 24 et 25 janvier. Rendez-vous à nouveau, je vous le disais, sur le site de la LPO. N'hésitez pas à aller consulter toutes les actions et l'agenda de l'association locale notamment. Allez, on fait une petite pause musicale avant de retrouver notre invité du jour. Et alors nous allons partir dans un drôle de monde. Et c'est avec grand plaisir que l'on attend ce nouvel album de celui que l'on nomme Bonnie Prince Billy, qui est de retour avec l'album We Are Together Again, qui sortira le 6 mars prochain via les labels Domino No Quarter. Et je vous propose de découvrir en avant-première ce titre They Keep Trying To Find You. C'est Bonnie Prince Billy sur le 895 de Dio. A letter came to your door today. You opened it, read it, then threw it away. Didn't want to be reminded of what it had to say. Just as soon go lay on the floor. Or beat someone senseless, or watch a cartoon, or paint all your windows to hide the full moon. Tie yourself down like a genuine loon, becoming one with your shadows within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. The phone on your table is ringing and ringing. You leave it unanswered. What could it be bringing? Except truth and awareness, and likely unstringing. Just as soon go lay on the floor, or flesh cut your forearms, or blow out your brains, or open your windows to torrential rains, ensuring an unending flow of raw pain, becoming one with the monsters within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. Someone's at your door, she's knocking and knocking. Your sense of contentment is reeling and rocking. It's not worth the pain to even think of unlocking. Just as soon stay down on the floor and let the night come and watch the light change. Ignore everything that is frightening or strange. Allow isolation to fully derange, becoming one with the darkness within, which has never been anyone's friend. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in each day. Nobody's friend has got nothing inside. On posait la question au début de ce programme pour savoir si la musique pouvait guérir. Elle peut faire du bien, ça c'est certain, et c'est toujours le cas avec Bonnie Prince Billy en ce qui me concerne. Et voilà pour ce nouveau titre, They Keep Trying to Find You, nouveau titre qui annonce la sortie d'un nouvel album. Alors je ne sais pas, le énième album, parce qu'il a une discographie assez impressionnante, Bonnie Prince Billy. Cet album paraîtra, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le 6 mars prochain via Domino. L'album We Are Together Again, Bonnie Prince Billy. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie dans justement cette danse carrière et discographie. Lui qui a sévi sous les pseudos Palace Brothers, Palace Music, Palace Songs, Will Oldham, Bonnie Prince Billy, donc aujourd'hui. Et voilà pour ce nouvel album 2026. Dans des mots, des sons sensibles, à mi-parcours, largement écoulé même. Rendez-vous avec Lisa, qui est avec nous. Re, d'ailleurs, salutations Lisa. Rebonjour. Et re-bienvenue sur 895 de Dio. Bienvenue à Saint-Étienne, on le disait en ouverture de ce programme, c'est ta première venue dans cette ville. Saint-Étienne, tu es en quête, un parcours en voyage sonore et radio, parce qu'autant podcasté jusqu'à la fin du monde, c'est le projet que tu mènes depuis mi-août dernier. Alors ça, c'est pour le lancement, on va dire, et même les premiers coups de pédale, mais j'imagine que le projet était bien là en amont. Est-ce que tu veux nous rappeler déjà dans un premier temps l'intention, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir entamer et engager ce voyage à vélo pour partir à la découverte des radios associatives françaises? Enfin, c'est une bonne question. Quelle idée. Donc là, je suis en itinérance à vélo, en train. Donc j'ai quitté mon logement, quitté mon CDI et je me lance dans le journalisme indépendant. Donc effectivement, c'est une drôle d'idée. Pour l'instant, je profite d'avoir le droit au maintien de chômage pour vadrouiller un peu, aller rencontrer les radios. Mais sinon, avant, j'ai travaillé dans une radio associative à Mulhouse, la radio WNE, Warum Net Experience, qui veut dire « Pourquoi pas tenter l'expérience en alsacien ?» Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des radios associatives, parce que je viens plutôt du côté gestion de projet en économie sociale et solidaire, donc tout le secteur à but non lucratif. Et c'est en cherchant du travail après mes études que j'ai trouvé un emploi dans une radio associative, d'abord chargée de projet, puis coordinatrice de l'association. Et je me suis prise de passion pour le son, la radio, la réalisation. J'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, de radios. Et en fait, je crois que c'était complètement un impensé que moi aussi, je pouvais peut-être créer des œuvres sonores. Donc, en testant petit à petit, je me suis dit que finalement, j'avais peut-être encore plus envie de faire de la réalisation sonore que de remplir des papiers toute la journée. Quoi. Ouais, qui fait aussi partie des tâches ingrates au sein de nos associations, bien sûr. Et il va falloir quand même le faire, même en indépendante, mais on va dire que j'avais envie de me consacrer plus à la création sonore et aussi à des formats plus longs. Moi, j'aime beaucoup le documentaire. Donc des formats plus longs, plus travaillés, qui nécessitent un gros temps de montage qu'on n'a pas quand on est tout le temps dans le jus entre les financements, les projets, les émissions, etc. On est bien d'accord. Donc tu as quitté ce poste à WNE, c'est pour ça. Entamer ce voyage. Oui, c'est ça. Partir à la rencontre des radios. Quand on tombe dans la marmite, hein, c'est difficile d'en sortir. En tout cas, ça a été pour toi un véritable coup de cœur, ça c'est certain. Alors juste, tu es plutôt d'une jeune génération, plutôt podcast que radio. Et tu le disais, tu écoutais plutôt des podcasts, peut-être moins la radio. WNE est une particularité qui est quand même très axée hein, sur le podcast et moins sur le média, on va dire radio un peu, on va dire originel. Et ton association m'a aussi, comme ça, interpellé directement, je dirais, parce qu'autant podcaster jusqu'à la fin du monde, ça me paraissait une approche déjà particulière, cet angle-là, de parler de podcast pour les radios associatives. Donc j'aurais aimé que tu précises un petit peu aussi cette approche et cet angle-là. Oui, alors je suis partie de cette radio associative. Pour moi, l'objectif, c'est de créer donc une entreprise dans la création de podcasts documentaires que j'aimerais faire diffuser dans des radios. J'aimerais continuer de travailler dans les radios associatives, mais en tout cas, moi, je me vois pas faire une radio ou monter une radio. Donc, ce serait plutôt une relation partenariale de mettre à disposition des podcasts aux radios associatives pour qu'elles puissent les diffuser. Donc, c'est plutôt ça l'idée. Et oui, effectivement, je pense que j'ai plus écouté de podcasts et que je suis d'une génération aussi où le podcast a fait son grande entrée dans le monde de la création sonore. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Et puis de l'audio. Mais c'est une véritable question, parce que l'activité podcast est un peu à différencier peut-être de l'activité radiophonique. Alors, on parle souvent un peu comme ça, familièrement, je dirais, de podcast pour nos radios, qui sont en fait simplement des émissions de radio qui sont en réécoute et en replay sur nos sites respectifs, pour exemple, mais qui n'est pas le podcast natif, ce que l'on appelle véritablement la création audio, hein, et qui n'a pas vocation forcément radio. Oui. Donc c'est aussi les nouvelles technologies là, qui sont en toile de fond. Enfin, il y a un véritable questionnement là-dessus. On y trouve aussi beaucoup de liberté en termes de format. Donc on n'est pas sur une grille de programmation avec « Ok, aujourd'hui j'ai juste une heure, il faut que ça tienne là-dedans. Bah, » Si ça fait une heure et quart, si ça fait 45 minutes, ben, c'est pas grave. Ça crée aussi une liberté de format et peut-être aussi de temps. Parce que bon, bah, si le podcast il est pas sorti le bon jour, il sortira le lendemain ou une semaine plus tard. C'est donc, peut-être que les auditeuristes attendent, mais voilà, ça peut se faire. Absolument, mais c'est des vrais enjeux hein, aujourd'hui, en tout cas pour nos radios aussi. Le podcast s'écoute en ligne sur des sites internet, c'est numérique, tout se numérise aussi aujourd'hui et c'est aussi l'enjeu hein, pour nos radios que ce passage au numérique notamment, ou pas d'ailleurs, mais voilà, ce sont de véritables questions et de véritables enjeux. Alors tu as entamé ce projet, c'était en août dernier, en décidant de partir à vélo à la rencontre des radios à travers toute la France. Juste petit rappel quand même d'un point d'étape finalement, parce que là ça fait du coup quelques mois hein, que tu as engagé ce projet, tu vas le terminer jusqu'à donc l'été prochain, c'est un peu le but de voyage, dans l'idéal, fin juin. Voilà, donc on est à mi-parcours. Peut-être que tu peux nous faire une petite synthèse là de ce qui s'est passé durant ces derniers mois, de comment tu as vécu cette expérience déjà de début de voyage finalement. Est-ce que cela a fait bouger les lignes dans ton intention de départ, dans ta méthode aussi peut-être d'enquête que tu avais envisagé en tout cas de mener, et puis le réel parfois te rattrape et t'amène sur d'autres pistes ou d'autres voies. Enfin bref, voilà un petit point d'étape aujourd'hui en janvier 2026. C'est surtout le temps qui me rattrape finalement. On se dit je vais avoir le temps, je vais faire que ça, mais en fait on a quand même pas le temps. Mais ça c'est propre à la radio, ça. Contrairement au podcast. Donc le problème c'est qu'il y a aussi, enfin le problème, ce n'est pas un problème, mais c'est qu'il y a aussi plus de 750 radios associatives. En France, ouais, c'est impossible de tout aller les voir. Donc c'est une question de temps aussi, je sélectionnais qui je vais aller voir, qui je vais pas aller voir. Donc pour l'instant, je me suis fait un petit parcours qui suit aussi quelques événements autour de la radio et qui suit aussi le climat, parce que à vélo, ça compte. Puis alors là, en plein hiver, pour ça là, tu remontes un petit peu, mais tu avais décidé d'être un peu plus au sud là. Oui, c'est ça. Mais donc le festival Longueur d'onde, un gros festival de radio en Bretagne, a décidé de s'organiser fin janvier. Voilà. Donc, je demande aux Bretons d'arrêter d'organiser des festivals l'hiver. Il faut faire ça l'été. Mais voilà, donc je suis quelques événements de radio, de podcast, et sur ma route, je vais rencontrer les radios associatives qui me répondent, tout simplement. Après, j'ai aussi décidé de ne pas faire les radios confessionnelles. Donc, c'est un choix éditorial de ma part. Ça aurait pu être intéressant, mais il fallait aussi sélectionner. Et je ne fais pas les radios qui font que de la musique. Il faut moins qu'il y ait un peu d'animation, d'information locale, etc. Alors justement, au niveau éditorial, comment tu as procédé? Comment tu as fait ta sélection finalement aussi alors certes, la géographie, la météo, là, etc. Mais comment tu as fait sélection de ces radios? C'est-à-dire que qui est-ce que tu vas voir? Comment tu as sélectionné? Combien envisages-tu d'en visiter? Puisque tu es en immersion hein, quand même durant une semaine dans une radio. Donc c'est quand même un travail conséquent, hein, enfin, je veux dire, à la fois dans la démarche, mais ensuite il faut projeter le futur qui va être de rendre compte hein, et de restituer. C'est sûr. Et ben ça a beaucoup évolué. Je suis partie un peu au début, un peu en test. Et j'avais plutôt envie de rendre compte de la diversité du paysage radiophonique français, de montrer qu'il y a plein de radios différentes partout. Et donc j'ai commencé à aller voir des radios. J'ai commencé à Chamonix, puis je suis partie en Isère assez longtemps, puisque je suis restée 2 semaines autour de Grenoble. Et donc là, j'avais plutôt une idée d'être assez exhaustive. Et donc en, En fait, en ayant testé plusieurs formats, parce que par exemple à Chamonix, il n'y a qu'une seule radio, et j'allais pas faire des allers-retours à vélo depuis Chamonix. Donc là-bas, j'étais restée 4 jours. Et en fait, en testant d'aller, y a d'autres radios, je suis allée juste faire une interview, repartir, juste une matinée, juste croiser 2-3 personnes de la radio, ou vraiment d'être en immersion quelques jours. Et finalement, j'ai vraiment opté pour le format, oui, de rester en immersion, quitte à peut-être moins rendre compte de cette diversité du paysage radiophonique, parce que du coup, je vais aussi voir les radios quand je regarde leur site internet et qui me parlent. Donc, qui sont quand même plutôt engagés autour des luttes sociales, de l'environnement, de l'information libre, indépendante, etc. Et donc, petit à petit, ça s'est peut-être resserré sur une thématique qui a pour but en fait de partir de l'histoire des radios, depuis les radios pirates, pour aller petit à petit questionner l'avenir de l'information libre, indépendante en France, qui est, on va dire, pas dans une très bonne condition en ce moment, avec beaucoup forte concentration médiatique et la perte d'énormément de financement. En fait, le problème aussi de l'information libre, indépendante, c'est pouvoir se financer. Au-delà de l'information, je dirais même que c'est l'avenir tout simplement même de nos structures, de nos médias, qui est menacé. Enfin, là, on l'a entendu, j'imagine que tu l'as traversé au travers déjà des premières visites que tu as effectuées, mais je veux dire, on a à nouveau vécu, et donc là, on est en plein budget de loi de finances 2026, si on trouve une solution, enfin, si le gouvernement trouve une solution, avec l'annonce quand même à l'automne dernier d'une coupe budgétaire de 44% de notre secteur. C'était déjà chose annoncer une menace qui finalement, il y a eu un gel budgétaire, mais qui était déjà présente à l'automne 2024. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi cette chape de plomb, je dirais, sur notre secteur des radios associatives et de ce paysage de l'audiovisuel. Comment ça, peut-être, tu l'as déjà confronté ou évoqué, peut-être, avec tes premières... Ça revient toujours. Les financements et surtout donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique, pardon, qui est pour beaucoup de radios la majorité du budget, en fait. La majorité des radios que j'ai rencontrées, c'est entre 50 et 70% du budget. Ça vient du FSER. Donc c'est quand même énorme. Et déjà, il y avait eu cette inquiétude l'année dernière, moins 30% sur le budget total du FSER. On avait réussi à passer à travers et puis finalement, c'est moins 44% qui a été annoncé à l'automne 2025. Et les radios que j'ai rencontrées sont vraiment inquiètes parce que c'est une des dernières subventions qui est vraiment une subvention de fonctionnement. Donc les radios et même toutes les associations aujourd'hui fonctionnent de plus en plus avec des appels à projets qui vont moins financer le fonctionnement global de l'association, donc tout ce qui est les tâches un peu derrière un projet qui sont pas forcément valorisables à 100% dans le projet, mais qui sont quand même nécessaires. Et donc les radios associatives sont en train de remettre en question aussi leur modèle économique en se demandant est-ce qu'il faut aller vers du financement privé, faire de la publicité, faire de la prestation de services. Mais du coup, ça va aussi contre les missions qu'elles se sont données au départ, qui est fournir une information libre, indépendante, de proximité, de donner la parole aux personnes, sauf que là-dessus, il n'y a pas de financement en dehors du FSER. Donc, ça pose beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes aux radios que j'ai rencontrées. Donc, tu ne dresses pas qu'un portrait comme ça, historique, finalement, des radios associatives. Enfin, tu pars de là, finalement, de leur histoire, du parcours de ces radios et de ces personnes qui les font vivre aussi, bénévoles ou salariés, de leur fonctionnement actuel et finalement aussi futur, et donc des obstacles et problématiques qu'elles rencontrent aussi aujourd'hui. Donc, c'est une sorte d'état des lieux assez exhaustif, finalement, que tu entends réaliser. Oui. Et on parlait aussi de ce qui avait changé depuis le début. Ben, ça aussi... Au début, je pensais faire juste une saison, une grosse saison qui revient sur les radios associatives, donc avec des épisodes thématiques. Et au fur et à mesure des rencontres et du matériel que j'ai pu accumuler, finalement, ça va être même plusieurs saisons. Donc une première saison pour dégrossir un peu le paysage radiophonique français. Donc d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et après, proposer d'autres saisons plus focalisées sur une ou deux thématiques vraiment précises, dont les financements, les conditions de travail, l'information libre, indépendante, etc. Alors, on va écouter un petit extrait, puisque donc tu fais ces visites, tu rencontres les gens, mais tu les enregistres aussi. Et donc, je vais proposer un petit extrait donc, que tu as déjà réalisé. On écoute. Peut-être que ce qui fait la différence avec ces médias de proximité indépendants dont font partie les radios associatives, c'est ce lien profond au territoire et aux personnes qui y habitent. Les radios associatives ne se positionnent pour la plupart pas comme un énième média qui va finalement continuer à traiter une actualité nationale, locale, encore sous un autre angle, ou en répétant bêtement l'agence de presse française. Elles prennent un autre tournant, celui de valoriser, d'analyser et de faire connaître leur territoire et sa culture. Les animatrices salariées ou bénévoles partagent leur expérience, leurs rencontres, leurs loisirs et leurs passions. Parler de celles-là qu'on n'entend pas, ou peu, cette perspective ne les éloigne pas pour autant des luttes sociales et environnementales, bien au contraire, ni d'ailleurs de faire le lien avec l'actualité nationale. Mais elles en parlent par l'intermédiaire des vrais gens, celles qu'on croise tous les jours. Il faut se souvenir que l'AFP avait rapporté que 5000 grenades lacrymogènes explosives avaient été tirées. Un truc de dingue, hein, quand même. Alors oui, en face, effectivement, il y avait des cocktails Molotov, du mortier d'artifice. Mais on se souvient quand même qu'il y avait eu un usage complètement dingue hein, de la force et une répression féroce. On avait la Ligue des droits de l'homme, par exemple, et Amnesty International, qui avait documenté cette répression lors de ces manifestations à Sainte-Soline. Mais moi, ce qui me marque encore une fois, c'est les propos et là aussi la hiérarchie et celle du haut. Parce que s'il y a bien les fonctionnaires qui ont une hiérarchie tout en haut, tout en haut, tout en haut, c'est bien les flics, c'est bien les gendarmes. Et là, donc, c'est notre tout dernier ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a donc refusé de parler de violences policières. Il a bien dû dire que quand même, il y avait quelques soucis, mais enfin, il refuse de parler de violences policières. Et surtout, alors, peut-être c'est parce que je suis une femme, hein, mais moi, ça m'a fait un peu penser à « t'avais qu'à pas mettre une jupe, tu te serais pas fait violer », puisque là, ils avaient qu'à pas manifester, ils se seraient pas pris des grenades dans la tronche, ils auraient pas été blessés. J'ajouterais hein, que la haine, elle vient aussi avec le vocabulaire, hein, on parle d'enculé. Alors oui, je sais, dans cette partie de la France, on trouve que enculé est une ponctuation. Bah, pas chez nous, on trouve que c'est une insulte et que ce sont des termes homophobes. Alors, est-ce que tu veux bien nous préciser, Lisa, donc cet extrait que tu nous as gentiment proposé? Alors cet extrait, donc, j'ai sorti un épisode pilote pendant les vacances de Noël. Donc il fait partie de l'épisode pilote et la personne qu'on entend parler après moi, c'est une bénévole de Radio Canu, qui est une radio associative lyonnaise. Et donc c'est pendant l'émission des infos locales qui a lieu tous les soirs de la semaine. D'accord. Et alors, pareil, et peut-être développer un petit peu sur tout ce que tu collectes, parce que alors on imagine que ça va être massif. Et comment tu construis déjà finalement ta restitution et ton, j'imagine, un documentaire ou une série de documentaires que tu souhaiterais réaliser, mais avec cette masse d'informations, ce collectage d'interviews et autres, voilà, comment tu entends construire finalement aussi ton approche hein, de ce paysage des radios locales? Eh bien, donc je passe quelques jours jusqu'à une semaine en immersion avec les radios où je vais enregistrer donc des sons d'ambiance. Donc, je vais assister à des émissions, je vais enregistrer. J'ai même assisté à des ateliers éducation aux médias ou autres activités de la radio, à des réunions d'équipe. Donc j'en profite pour prendre un peu du son, pour illustrer les propos. Et puis je fais aussi des interviews individuelles avec les personnes qui font vivre les radios, donc des bénévoles ou des salariés, même des invités à des émissions, donc toutes les personnes qui ont envie de me raconter un peu leur expérience radio et pourquoi ils ont décidé de prendre le micro. Et donc l'idée, c'est justement qu'il n'y ait pas beaucoup ma voix, contrairement à l'épisode pilote où là je parle beaucoup, mais c'est aussi pour faire le point sur qu'est-ce que ce projet, d'où ça vient, qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc oui, là il y a beaucoup ma voix, mais sinon ça sera plutôt à travers ce qu'on me raconte, donc des interviews de personnes que j'aurais croisées et illustrées avec des sons d'ambiance. Et donc, ça sera des épisodes thématiques. Donc, par exemple, ça peut être un épisode sur l'histoire des radios. Donc, là, il y aura toutes les personnes qui m'ont pu me raconter l'histoire de leur radio quand la radio est née, donc avant la libéralisation des ondes, avant 1981, comment ça fonctionnait et puis comment ça a évolué. Voilà, donc moi j'imagine plutôt quelque chose où ma voix fasse peut-être le raccord entre différentes personnes qui parlent, mais sinon c'est pas moi qui raconterai l'histoire des radios associatives et comment elles fonctionnent aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai envie aussi de donner la parole aux radios, parce que finalement, je me suis dit en partant aussi sur ce projet que finalement les radios, elles parlent pas beaucoup des radios. C'est vrai, elles donnent beaucoup la parole finalement, mais elles parlent ou on parle peu d'elles. Donc l'idée, ouais, c'est aussi de pouvoir donner la parole aux gens qui sont derrière le micro et qu'on entend faire parler les gens, animer des émissions, mais qu'on n'entend pas eux, d'où ils viennent, quels sont leurs parcours, comment ils se sont retrouvés là, qu'est-ce qui les anime dans cette activité. Ouais, mais tout cela traversé de multiples questions, et c'est là où je me demandais comment tu allais construire, parce qu'il te faut forcément aussi une narration, comme quand on construit un peu un documentaire radio. Comment aborder tout cela, quoi, finalement? Et j'avais cru comprendre que tu comptais l'aborder sous l'approche aussi un peu des sciences sociales, et notamment de la sociologie des médias, par exemple, en croisant les regards avec aussi des chercheurs, chercheuses, ou autres historiens, historiennes, par exemple, peut-être du secteur, mais voilà, là aussi, de quelle façon, finalement? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, donc avant de travailler dans la radio, moi, j'ai plutôt un parcours en sciences sociales, donc c'est vrai que ça m'intéresse aussi de remettre ça dans un contexte sociétal, en fait, et pour nuancer aussi peut-être un peu les propos que peuvent tenir les personnes que j'aurais interviewées ou même les miens, j'ai aussi envie d'aller rencontrer des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur les médias pour compléter un peu le panorama du paysage radiophonique français et avoir aussi un regard extérieur qui puisse peut-être apporter un autre regard. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré de chercheurs et chercheuses spécifiquement sur ce sujet. Je suis en contact avec quelqu'un à Bordeaux pour mon prochain passage. Mais j'ai interviewé une personne qui a écrit un livre sur les radios libres qui s'appelle Jean Benthière à Valence. Oui, il y a eu plusieurs ouvrages sur les radios, en revanche. Oui. D'accord, donc tout ça va aussi avancer, faire son petit bonhomme de chemin, je dirais, oui, dans ta tête ça. Et dans ton esprit. D'accord. Concernant le chemin, justement, le temps passe très vite, il va presque falloir qu'on termine déjà, Lisa. Là, tu reviens d'une semaine plutôt dans la Drôme Ardèche, hein, il me semble. Enfin, t'étais, Là, ma dernière étape, c'était à Avignon. Avignon. Et donc j'ai fait une étape vers Valence avant de Montpellier, rejoindre Radio Clapas. Ouais. Et puis Radio Aioli, c'est ta toute dernière visite. C'est ça. Une toute jeune radio. Donc là, oui, ça doit être intéressant aussi entre une vieille dame comme Dio et Aioli, qui a quoi, 4 ans d'existence. Ouais, là, elle a été créée en 2021. Toute jeune. Ouais, c'est ça. Donc elle commence à peine sa cinquième année d'existence. Et donc pour l'instant, c'est aussi un peu le montage du projet, recrutement aussi des personnes qui ont envie. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une différence entre les jeunes radios qui naissent aujourd'hui par rapport à celles qui sont nées dans les années 80 ou qui étaient déjà présentes avant, où il y avait vraiment un engouement énorme pour la radio et c'était une libération de la parole, un moyen de s'exprimer autre. Maintenant, avec tous les autres moyens d'expression qu'on a, surtout à Internet, réseaux sociaux, etc., c'est vrai que peut-être il y a moins cette effervescence, cette envie d'aller vers la radio, donc ça met un peu plus de temps à se mettre en place. Ouais, d'accord, c'est un peu ton ressenti là. Ouais. Ok. Comme ça aussi, je me dirais, à mi-parcours là, de ton voyage, est-ce qu'il te semble qu'il y a autant de diversité finalement des radios? Parce que j'ai aussi une impression qu'il y a une sorte de vision un peu politique entonnoir, c'est-à-dire de, face aux problématiques, aux obstacles qu'on en évoquait, de tenter un peu d'uniformiser finalement aussi notre paysage et nos médias face à ces mêmes difficultés de financement et autres, et de tous tendre finalement, tous et toutes, vers un peu ce même schéma, même fonctionnement, même système. Est-ce que toi, tu as encore ressenti cette grande diversité ou tu la sens menacée aussi de par ce voyage et ces visites que tu as effectuées? Qu'est-ce que tu en dirais? Eh ben, je trouve qu'il y a encore énormément de diversité. Ah. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment, il y a plein de radios différentes, chacune a sa spécificité. Il y a aussi tout le contexte historique, politique, local qui va jouer sur la radio. Après, je pense que effectivement, les financements, en tout cas les financeurs et financeuses aimeraient bien que ce soit un peu plus uniformisé. Donc, et d'aller tout petit à petit vers les mêmes activités. Moi, ce que j'ai vu, surtout sur les radios qui ont des salariés, c'est de plus en plus aller vers la prestation de services, l'éducation aux médias, l'information. Et donc, peut-être justement avec cette course au financement, à l'argent. Ben oui, je pense que ça tend aussi à aller vers des activités qui sont financées. Et donc souvent, ça tient aussi à des politiques nationales, à des qui peuvent guider les... oui, qui vont guider les actions, les appels à projets. Activités. Tout à fait. On n'a pas passé un extrait, mais tu en avais retenu aussi certains qui allaient dans ce, mm-hmm. dans ce sens, en tout cas. Mais tu visites aussi toutes les configurations. Hein. On parle de salariés, mais il y a aussi oui. des associations radio-associatives sans salariés. Tu évoquais Canut tout à l'heure. C'est aussi l'exemple, justement, mm-hmm. de radio entièrement bénévole. Oui, et c'est vrai que peut-être elles ont un peu plus de liberté, vu qu'elles sont moins dépendantes des financements publics. Elles ont moins besoin, en fait, de financement public. En tout cas, moins, voilà, pas les mêmes charges, ouais. les mêmes lignes et fléchages c'est en ça. Termes de finances, effectivement. On peut te retrouver via les réseaux sociaux, on peut te retrouver durant ton voyage. Tu as un site, même internet dédié où on peut... J'ai une newsletter, sur kessel.media et on peut me retrouver partout avec Parce qu'autant podcasté. Donc, je suis aussi présente sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict. Et tout ça avec le nom Parce qu'autant podcasté. Je m'appelle partout comme ça. Ok. Et donc, tu poursuis ce voyage. Tu es à Saint-Étienne cette semaine. Tu vas partir sur Brest et la Bretagne, donc fin janvier, pour le festival Langordon. Tu as parlé de radio, mais aussi d'événements radio ou liés au son. C'est le cas pour Langordon et ce grand rendez-vous, bien sûr, à Brest. Et puis, tu seras en Bretagne, donc, aller à la visite de nos radios là-haut, Bretonne, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, la Normandie. Tu reviens dans le nord, nord-est, au printemps, Bourgogne-Franche-Comté, et puis donc, terminé au mois de juin ce voyage sonore à la découverte des radios associatives. On te souhaite bon courage. Merci. Que le physique tienne aussi le coup, résiste comme la machine. et que tu rendes, en tout cas impatient d'écouter aussi cette restitution de ce grand voyage que tu auras réalisé. Merci Lisa. On va terminer en guise de générique de fin avec justement une dernière proposition que tu avais retenue avec un extrait des Petits Tas dans le Mou. Je ne sais pas si tu veux le présenter, annoncer pour boucler. Ok, aussi d'ailleurs une émission Radio Canu. Décidément. J'ai bien aimé Radio Canu. Non, c'était très sympa et j'ai trouvé cette émission hyper originale parce que c'est une émission poético-musicale. Donc c'est une personne qui écrit des textes plutôt poétiques mais en prose. Et là, il y avait 6 musiciens dans le studio pour l'accompagner. Eux étaient en totale improvisation, ils n'avaient même pas lu le texte avant. Et donc c'est une fois par semaine, une personne qui écrit des textes, qui va les lire, et des musiciens qui improvisent sans avoir connaissance du texte en amont. Et je les ai trouvés hyper impressionnants. Et en plus, qu'ils font passer des messages assez politiques, anticapitalistes, qui me parlent aussi. Eh ben parfait, on va terminer avec cette proposition en guise de générique de fin, justement, pour boucler ce programme. Merci encore à toi. Bonne suite, bonne continuation. Tout bon chez vous, auditeurs, auditrices. Et on se retrouve très vite sur ces ondes, même lieu, même heure. Ciao, bye. C'est la pêcherie, donc, on appelle le suprême cours de capitalisme carnassier, la leçon de Monsieur Brochet, Maître S. Quenelle. Je suis Monsieur Brochet. J'ai remplacé Capistran depuis la dernière semaine hebdomadaire. Et tout de suite, je suis tombé sur des cadres en colère. Ce sont les pires. Ils sont spécialistes pour fausser le jeu et bloquer les concertations. J'ai juste annoncé que 350 emplois étaient menacés, mais que j'étais ouvert aux négociations. Et les négociations concernent un tas d'autres entrepreneurs, je ne suis pas le seul, que je sache. Mais je vous dis qu'à l'arrivée, il y aura un tas d'embauches. Et cela dans toute la région Rhône-Alpes-Auvergne et dans tous les secteurs. Ah, ça vous embauche un coin. Mon premier souci est précisément de défendre l'emploi. C'est une question d'empathie. Je ne comprends pas les grèves qui bloquent tout, qui contredisent les procédures qui sont pourtant essentielles, chers auditeurs, vous en conviendrez.